l'as pas touché avec l'arrière, si? Si. Ah là, non. Ah, je l'ai même pas touché, lui. Allez, puis après, on va rentrer. J'ai 0 points. On va rentrer. Je peux pas, là. En fin de compte, le rouge, on va se donner le téléphone sur la gauche. Tu vois que tu vois qu'il n'est pas centré. Ah, c'est ce qu'il dit. Il y a marqué, parce que je vois en description, vue de ça qui se déchire. Oui, sur Antoine, il est arrivé. Mais le, tu vois le T et le Q, le plus et le Q. Mais il y a tout Antoine, il est arrivé. Le nom de mon téléphone, il n'est pas centré, tu vois. On va rouler dessus, là. Recule. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, bon. J'ai été mon téléphone. Le téléphone a commencé. Et ben l'écriture, elle est sur le côté gauche. Ah, presque. Allez, on y va. Même le A partir de 1599, le A, il est collé sur la gauche. Au pire, exactement, tu vas voir. Quand je vais prendre une photo de ça, et je vais l'envoyer dans 5 minutes, tu vas comprendre. Là. Économique, le tout est sur la marge, ne prend pas de place. Le M, il est tout économique sur la gauche. Tu vois, il y a du blanc sur la droite, c'est pas au milieu. Et tu vois les rectangles, tu vois que le rouge du rectangle, la longitude là, tu vois que tu longes mon téléphone à gauche. Je n'ai pas...